Je salue encore toute l'Église au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le frère Josué de Kassapa m'a demandé de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous mettons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons encore une fois nos Bibles dans Jean chapitre 3. Nous lisons depuis le premier verset et nous nous arrêtons au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Na kulikuya mtu moya kati ya wafarisayo mwenye kuitwa Nikodemo mkubwa wa Yuda. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit. Ule alikuya kwenye Yesu bushiku na kumwambia. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mwalimu, tunajua kusema wewe ni mwalimu kutokea kwa Mungu, sababu hakuna mtu atafanya hivi uko nafanya kama ashina pamoja na Mungu. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé notre sujet depuis hier. Vous devez naître de nouveau. Comme nous venons de le lire ici, cette prédication, ce n'est pas un homme qui l'a reçue par inspiration. C'est Jésus-Christ lui-même. Et ainsi, mes frères et sœurs, il n'y a aucun dictionnaire dans le monde qui peut expliquer qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. Même un licencié en français ou dans n'importe quelle langue, c'est quelque chose de difficile pour tout un incroyant. Et tout homme religieux, qui qu'il soit, il ne peut comprendre les choses de Dieu. Et même dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi Nicodème ici, c'était un mot difficile pour lui. Dans tout ce qu'il a appris en tant que pharisien, c'était un mot nouveau pour lui. Il fallait que le Seigneur Jésus lui-même lui en explique. Nous lisons deux fois ici, au verset 4, Nicodème s'est écrié, il a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'était vraiment quelque chose de difficile pour cet homme. Toute sa connaissance qu'il avait ne suffisait pas à ce qu'il puisse comprendre la nouvelle naissance. Comme nous l'avons dit hier, la nouvelle naissance, c'est tout un royaume. C'est un mystère que Dieu révèle aux siens. Et au verset 9, il a dit encore, comment cela peut-il se faire? C'est alors que Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne peux pas comprendre ces choses. C'était vraiment difficile, mes frères. La Bible n'est pas un livre d'aventure. Ceci n'a pas été écrit pour nous faire rire. Pour voir un vieil homme comme Nicodème qui ne savait pas comprendre. C'était vraiment difficile. Si nous pouvons comprendre cela aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un certain Nicodème à qui Jésus a donné des explications. Et encore, même pour nous d'aujourd'hui, l'explication littérale ne suffit pas. Il faut la présence du Saint-Esprit dans l'âme de la personne. C'est le seul qui peut nous révéler cela. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous lisons pour quelque chose dans Vous devez naître né de nouveau de 1961. Au paragraphe 40. Nous lisons ce qui suit. D'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Formés dans l'iniquité et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Donc, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. Donc, nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes, ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous n'y pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une mesure à la durée de sa vie? Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos lectures là-dessus, vos études là-dessus, vos recherches là-dessus, tout le reste, vous ne pouvez rien y changer d'un seul iota. Cela rejette donc tout. Je suis heureux qu'il en soit ainsi parce que si cela était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres pauvres gens illettrés, nous serions tenus à l'écart. Nous n'aurions donc aucune chance. Mais Dieu a changé cela, ou il ne l'a pas voulu ainsi dès le commencement. Les églises compliquent toujours les choses, mais Dieu les rend simples. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre cela et peut l'obtenir. C'est pour quiconque le veut. Que Dieu vous bénisse. Pour le problème de la nouvelle naissance, notre intelligence n'y contribue pas. Nos diplômes, nos licences, tout cela ne contribue pas. Comme nous venons de le lire ici, s'il s'agissait de passer à l'école pour être né de nouveau, nous autres qui n'avons pas beaucoup appris, nous serions déclassés. Et même certaines personnes qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, ils ne pouvaient pas faire part de personnes qui seraient nées de nouveau. Mais Dieu a fait les choses que cela soit si simple. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que nous recevons, ou c'est une étape dans laquelle nous parvenons. Quand nous croyons, lorsque nous nous convertissons, et alors le Saint-Esprit entre en nous et commence à faire son travail. Maintenant, mes frères, la nouvelle naissance, c'est le travail du Saint-Esprit dans l'âme de la personne. L'intelligence n'y peut rien. C'est pour cela que nous devons chaque fois être attentifs pour que la parole de Dieu pénètre en nous, qu'elle soit en nous, et cela va faire un engendrement à l'intérieur de notre cœur. La nouvelle naissance, c'est le travail du cœur. Il faut se défaire. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, on enlève un certain défaut selon la parole qu'on aura entendue. Mais maintenant, en ce qui concerne ce que nous avons lu dans Jean chapitre 7 et 8, nous avons lu ceci, non, au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons maintenant prendre un miroir. Nous allons nous humilier tous pour savoir que la manière de notre vie se trouve dans la sphère charnelle ou dans la sphère spirituelle. L'apôtre Paul nous a décrit cela. Il nous a décrit cela dans ces deux catalogues, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 24. Chapitre 5, verset 19, Galatia, sura 5, 19 jusqu'à 24. C'est un miroir. Nirikalashi. Et chacun de nous va se mirer na kila moja wetu atajangalia pour voir de quel côté il est. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous lisons un peu plus rapidement dans Galates, chapitre 5, sura yake ya tano, au verset 19. Mustari ya kumi na kenda. Quand nous serons en train de lire, wakati tutakuwa nasoma, chacun de nous va cocher dans son cœur kila moja wetu ataweka mroho yake, qu'est-ce qui le concerne. Ile yo inamwangalia. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Tunasoma mujina bwana Yesu Kristo. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Dans Jean 3, nous avons lu, ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, Paul écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et les choses semblables. Nous allons ajouter encore quelque chose là-bas. Dans Romains chapitre 1er. Nous allons ajouter quelque chose semblable. Mais on ne terminera pas tout. Dans Romains chapitre 1er. Depuis le verset 29. Kwanzia pa mustari ya makumi mbili na kenda. Nous lisons ceci. Tunasoma ou bien nous commençons au verset 28. Au tunaanzia mustari wa makumi mbili na comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, vile abakuangaikia bapate kumjua Mungu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Mungu alibatoa mu mawazo yabo mubaya. Pour commettre des choses indignes. Djua bapate kutenda bintu bibaya. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Benye kuja na aina yote ya uzalimu. de méchanceté, ya ubaya, de cupidité, ya mapendo ya fedha, de malice, ya bubaya, plein d'envie, benye kuja na tamaa, de meurtre, uwaji, de querelle, makokotano, de ruse, bujanja, de malunité, na uovu, rapporteur, benye kupeleka mamambo, médisant, benye kubeula, impie, bantu babaya, arrogant, bamajivuno, hautain, bakibengo, fanfaron, benye kujizania, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous voyons ce premier catalogue. Ici, le docteur Paul nous donne la liste des diaboliques humains. Cela qui vivent selon la chair. Et il nous dit que les gens qui commettent de telles choses n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Et ailleurs, nous lisons au verset qui suit. Nous rentrons encore dans Galates, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, uema, la bénignité, mapenda kupita, la fidélité, muaminifu, la douceur, upole, la tempérance. Na kujiziwiza. La loi n'est pas contre ces choses. Sheria haikumbanishi vibintu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. En lisant seulement, mukusoma tu, chacun de nous va se situer dans quel décan il se trouve. Kila mmoja anapasha kujiweka ni mukinkunji kani mwili anapatikana. La personne charnelle, mtu wa kimwili, vivant selon la chair, mwenye kuishi kufuatana mwili, pouvait commettre des choses que nous avons lues dans ces quatre versets. Anaweza kutenda vitu bila tunatokea mkusoma hii mashairi. Japo. Quand nous voyons ce décan, wakati unaona inkunji mbili, un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne doit pas se trouver à la fois de tous les deux côtés. Car dans la loi, celui qui aura brisé une des lois aura brisé toutes les restes. Alors un enfant de Dieu doit vivre loyalement en produisant le fruit de l'esprit. Et encore mes frères, comme nous venons de les lire, ces deux sphères, ces deux camps, sont incompatibles. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité, mes frères. Aucun homme ne peut vivre à la fois dans la lumière et à la fois dans les ténèbres. Regardez les lumières qui sont suspendues au-dessus de moi. Savez-vous qu'il y a l'obscurité tout autour ici? Quand on éteint tout simplement ces lumières, automatiquement vous verrez les ténèbres là-bas. Qu'est-ce qui fait que les ténèbres disparaissent? C'est parce qu'il y a la lumière. Les deux choses ne peuvent pas vivre ensemble puisqu'elles sont incompatibles. Et même dans Galates chapitre 2, là où nous, chapitre 7, là où nous avons lu, vous allez voir ce qui suit. Au verset 17, Galates 5, verset 17, nous lisons ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne puissiez point, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui, c'est la vérité. Ces deux camps sont toujours en opposition. Un vrai fils de Dieu va vivre d'un seul côté. Comme nous l'avons dit ici, ces deux camps sont incompatibles. Comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Ces deux camps, mes frères, sont dans la lutte. Ces deux camps sont dans l'inimitié. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un ne peut pas vivre à la fois dans un camp, vivre dans les ténèbres et être encore ami à Dieu. Ce n'est pas possible. Celui qui peut être ami à Dieu, c'est celui qui vivra dans la sphère spirituelle, produisant rien que le fruit du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui transforme l'homme par la puissance qui est dans la parole. Ces deux camps sont dans l'inimitié. Et il n'y a pas une entente entre ces deux camps. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, nous lisons au verset 8, au verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Nous lisons ce qui suit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Bale benye kuishi kufuatana na mwili beko na furahia bitu bya mwili. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Japo bale benye kuishi katika roho na beko na furahia bitu bya kiroho. Et l'affection de la chair c'est la mort. Na mapendo ya mwili ni lufu. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Écoutez maintenant mes frères, car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair ne se soumet jamais à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une inimitié entre ces deux camps. Un vrai enfant de Dieu qui veut entrer dans le royaume de Dieu ne vivra pas selon son propre gré. Il va découvrir les choses qui contribuent à son salut et il va s'y attacher. Mais les choses charnelles ne peuvent pas nous amener dans la nouvelle naissance. Et nous lisons encore au verset 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oui, mes frères, mes sœurs, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus redevables quant aux choses de la chair. Celui qui était amateur de la boisson, une fois qu'ils sont entrés dans le royaume de la lumière, ils peuvent arriver là où ils buvaient. Il ne ressentira rien à lui-même. Pourquoi? Puisque Dieu lui a fait grâce et il connaît les dangers qu'il courait quand il était parmi ceux-là qui buvaient. Maintenant, il n'est plus redevable à la boisson. Même l'odeur de la boisson lui cause la nausée. Ce qui fait que quelqu'un aime encore la boisson, c'est parce qu'il est charnel. Mais celui qui est né de nouveau, les choses que nous avons énumérées ici commenceront à disparaître une après l'autre par la puissance de la parole qu'il aura entendue, car cette parole que nous entendons est transformatrice. Il est écrit dans Jean, chapitre 1er, je pense vers le verset 12, là il est écrit que ceux-là qui ont reçu la parole, cette parole les a fait devenir enfants de Dieu. Oui, mes frères, pour être enfant de Dieu, il n'y a pas de la magie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu et s'y soumettre. Encore troisièmement, entre ces deux sphères que nous avons, dont nous avons énuméré les caractéristiques, ces deux sphères sont en lutte. Nous lisons encore là, tout près de là où nous étions. Dans Romains chapitre 7. Ces deux sphères sont en lutte continuellement. Les ténèbres veulent emporter de la lumière. Et la lumière veut remporter cela des ténèbres. C'est à nous de choisir. Comme nous avons lu au paragraphe 40 là-bas. C'est à celui qui veut. Celui qui veut, lorsqu'il aura entendu la parole de Dieu, il va s'y attacher et Dieu va commencer à nous aider petit à petit. Nous lisons dans Romains chapitre 7, versets 14 à 24. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Lakini ni nzambi yenye kukaa ndani yangu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Bienye kwa bizuri na bijua, lakini na ndani yangu. C'est-à-dire dans ma chair. Ni kusema katika mwili yangu. J'ai la volonté, niko na mapenzi, mais non le pouvoir de faire le bien. Lakini sina na uwezo kufanya bizuri. Car je ne fais pas le bien que je veux. Kwa sababu mimi sifanye bizuri bila ninapenda. Et je fais le mal que je ne veux pas. Lakini wanafanya bibaya bila mishipende. Et si je fais ce que je ne veux pas, na kama mimi nafanya bila mishipende, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu vous bénisse. Maintenant mes frères, comme nous l'avons énuméré dans ces trois parties, entre celui qui est dans la sphère charnelle, celui qui vit selon les désirs de sa chair, il y a une incompatibilité. Ils sont dans l'inimitié. Ils sont en lutte contre ceux-là qui sont dans le royaume de la lumière. Ainsi, mes frères, mes sœurs, comme nous venons de nous mirer ici, nous découvrirons que en ce jour, l'Esprit de Dieu le dit expressement que ce qui était du temps de Lot, ça se manifestera pareillement au jour du Fils de l'homme. En ce moment, c'est le péché du sexe qui bat son plein. Il n'y a pas seulement que des impudiques, il y a même des homosexuels, il y a des lesbiennes, il y a des transgenres, il y a des gens qui veulent s'échanger, sortir de la féminité et devenir un homme. Mais un enfant de Dieu n'aura jamais cette envie-là. Pour nous qui avons cru, nous fuyons toutes ces choses et nous demandons au Seigneur de nous aider afin que nous menions une vie étant dans le camp de la lumière. la l'impudicité et l'impureté. Vous savez qu'en ce jour mes frères, il y a des jeunes gens qui se suivent même dans un même clan. Vous rencontrez un fils qui se suit avec la fille de son oncle. Ce sont des choses inimaginables qui se font dans notre temps ici. Et toutes ces choses ne sont pas des bonnes choses. Dieu est contre ces choses. Pour tout celui qui est venu à Dieu et dont les sentiments pareils commencent à surgir dans son cœur, il doit demander au Seigneur afin qu'il puisse l'aider. Mes frères, mes sœurs, nous devons fuir les choses qui causent les jalousies, les inimitiés, les querelles. Même si vous avez des problèmes avec un voisin, si vous voyez qu'un mauvais esprit s'interpose entre vous deux, un vrai fils de Dieu va éviter les querelles. Avec les voisins, vous êtes en train de discuter, cherchant toujours à avoir raison, et vous voyez une tumulte qui vous entoure là-bas. Vous cherchez toujours à avoir raison. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne présentera pas des actions comme celle-ci. C'est pourquoi la parole de Dieu nous pousse même à perdre notre droit. Les querelles ne doivent pas s'entendre entre un enfant de Dieu ou même avec un païen, puisque nous sommes les enfants de la lumière. Et les jalousies. Si votre frère a été béni par Dieu, vous devez remercier le Seigneur. Peut-être à cause de la haine, votre frère s'achètera une moto, et lorsqu'il monte dessus, vous allez commencer à le médire à un autre frère. Mon frère, as-tu jamais vu? Lorsque mon frère là est sur sa moto, il gonfle parce qu'il tient le guidon de sa moto comme ça. Non, il ne gonfle pas. C'est toi puisque tu ne l'aimes pas. Est-ce quelqu'un qui est né de nouveau doit prendre le guidon de la moto comme ça pour dire qu'il est né de nouveau? Non, la moto on la tient toujours comme ça. Mais si toi tu dis qu'il se vante sur sa moto, c'est parce que tu ne l'aimes pas tout simplement. Alors des choses pareilles ne doivent pas se trouver parmi les enfants de Dieu. Si votre frère s'est acheté un véhicule, que mauvaises paroles ne sortent de ta bouche. Oh, il a un numéro. Qui te l'a dit? Un jour tu seras dans les besoins. C'est le même véhicule qui va t'alléger les déplacements. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu doivent toujours vivre dans la harmonie spirituelle. Oh, même les envies, les divisions, les manques de la nouvelle naissance, c'est cela même qui cause des divisions. Si vous êtes né de nouveau, vous vivrez dans la communion fraternelle et vous allez découvrir facilement le méchant lorsqu'il s'introduit au milieu de vous. Enfant de Dieu, comme nous venons de le dire ici, nous devons éviter de vivre à califourchon. Un pied dans le monde, un pied dans la parole de Dieu. Aucune personne ne peut marcher à la fois dans deux chemins. Ta manière de vivre, c'est celle qui nous fera savoir quelle direction tu as prise. Si tu es dans la voie de Dieu, nous allons découvrir cela par ta manière de vivre, puisque tes œuvres vont nous avertir de quel côté tu te trouves maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et encore, nous avons lu une très longue liste. Chacun de nous doit savoir de quel côté il est. Nous avons énuméré les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Parlons un peu de la patience. Pour un vrai enfant qui est né de nouveau, il doit doit apprendre à patienter. La patience, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Et la personne qui est née de nouveau doit s'efforcer d'attendre le temps de Dieu. Si on a prié pour toi et que vous n'êtes pas guéri le même jour, puisque vous êtes dans le temps de Dieu, vous allez apprendre à attendre. Prenons un peu l'exemple de Moïse. Il fut une fois Moïse, quand il fut commissionné par Dieu d'aller faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, de l'esclavagisme, Dieu l'avait commissionné. Une fois qu'il se trouva devant Pharaon, il était dans les sentiers du devoir. Dieu lui a dit, quand tu seras devant Pharaon, voici le premier signe. Quand il était devant de Pharaon, Pharaon n'était pas d'accord afin qu'il fasse sortir directement les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Ainsi, il a jeté son bâton au devant là. Quand le bâton est tombé par terre, il redevint un serpent. Cela n'a pas suffi pour convaincre Pharaon. Pharaon a appelé Jeannès et Jambres. Il leur avait dit de voir ce que Moïse avait fait. Et en ont encore fait deux. Si c'était pour les choses du monde, on aurait dit que cela a vaincu Moïse. Puisque Moïse n'en a fait qu'un seul, cela en avait fait deux. Mais regardez l'attitude de Moïse. Sachant qu'il n'a rien inventé, qu'il était dans les sentiers du devoir, il n'a pas tremblé. Il n'a pas demandé pardon à Pharaon. Il n'a pas non plus fui. Mais il a vérifié ce qu'il faisait. C'était l'esprit du Seigneur. Alors il a attendu le temps de Dieu. On pouvait voir là-bas trois serpents qui se tortillaient par terre. Moïse gardait la patience. Il attendait le temps de Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Mais il descend agir quand tu le veux. Un vrai enfant de Dieu doit être patient. Moïse était resté patient là-bas. Il était sûr. Il avait la foi. Il savait que Dieu ferait quelque chose. Même à la dernière minute. C'est ainsi qu'on continuait à observer ces trois serpents qui étaient là. Subitement, on vit le serpent de Moïse qui suréleva la tête. Go! Il avala le premier serpent. Et go! Il avala le second. Où sont partis les deux serpents de Jeannès et Jambres? On a vu tout simplement Moïse qui s'est incliné et qui a ramassé son serpent qui redevint un bâton. Que Dieu vous bénisse. Je pense que si du côté d'Aaron qui était avec lui, il pouvait un peu perdre contenance, mais son frère lui a dit, c'est Dieu qui m'envoie. Un enfant de Dieu, même si ça dure, il doit toujours attendre Dieu. Si vous avez dit, priez pour moi, afin que je trouve du travail, ne soyez pas pressé. Attendez le temps de Dieu. Dieu a son temps. Beaucoup de sœurs ont loupé les fiancés et le mariage à cause de leur impatience. Elles ont entendu tout juste un petit moment, comme elles voulaient qu'on la marie très vite, alors elle est rentrée dans le monde. Mais en retournant les regards en arrière, celles-là qui ont patienté seront mariées à leur temps. Les choses de Dieu, mes frères, il faut apprendre à attendre Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont les personnes qui patientent. Et la tempérance aussi doit être manifestée dans notre vie spirituelle. Nous sommes en train de nous mirer. Il peut vous arriver une fois, mes frères, vous êtes taquiné par un incrédule ou bien vous vous provoquez entre les frères. La tempérance est réellement la tempérance. Quand elle est tentée et éprouvée, très souvent nous disons que nous sommes patients puisque nous sommes dans la paix. Le frère Branham dit ceci: si vous voyez trois femmes ou combien de femmes qui transportent des seaux sur leur tête, et que vous voulez savoir ce qu'elles transportent dans leur seau, essayez un peu de les bousculer. Si vous les bousculez, vous allez voir ce mouvement va faire choir la chose qui se trouvait dans le seau. S'il n'y avait rien, il n'y aura rien. Mais s'il y avait de l'eau, l'eau va tomber par terre. S'il y avait de l'huile, l'huile va se faire voir. Maintenant, pour que la patience soit patience, il faut qu'elle soit éprouvée. Amen. Amen. Regardons Jésus sur la croix. Il était là, l'homme Dieu. Quand il a beaucoup souffert, alors les gens se sont moqués de lui. Et il y en a qui venaient et qui lui disaient: si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous te croirions. Si Jésus avait le sang de Marie en lui, et qu'à la fois il était encore Dieu, il serait descendu de là. Puisque de l'autre côté, ça voulait dire ceci: si tu es fils de Dieu, descends de la croix. C'est-à-dire, si tu n'es pas fils de Dieu, reste alors là-bas cloué. Mais Jésus n'a pas regardé de l'autre côté. Jésus, étant le vrai fils de Dieu, devait demeurer là-bas comme un agneau pour nous sauver. Et il n'est pas descendu de là. Il a gardé sa puissance, puisque la puissance qu'il avait à ce moment-là, ce n'était pas de descendre sur la croix, de persister à l'épreuve de la mort. Et en étant tempérant, il a ainsi vaincu l'épreuve et il est mort et il a triomphé. Les vrais enfants de Dieu, quand on vous demande de vous bagarrer, vous allez temporiser. Même dans nos foyers, mes frères, s'il arrivait que la soeur venait de vous poser brutalement une question en vous disant: si vous êtes réellement un homme, viens ici. Peut-être vous étiez sur le point de vous bagarrer. Et qu'elle prenne son pagne. Et qu'elle serre ses reins. Et qu'elle te disait: si tu es un homme, viens ici. Qu'est-ce que tu peux faire, mon frère? Un vrai enfant de Dieu va temporiser. La tempérance, c'est la maîtrise. Un enfant de Dieu observera toutes ces choses qui manifeste l'Esprit de Dieu dans la personne qui a cru en Jésus-Christ. Et ainsi, comme nous avons dit ici, la loi n'est pas contre ces choses. Et encore, le frère Franck dit dans sa lettre circulaire numéro 40, je pense, 40 ou 41. À la page 8, lettre circulaire numéro, je n'ai pas relevé le numéro. Numéro Shinanayo. Je vais essayer de le faire par 40 ou 41. Makumi page 8, Makumi numéro 3 et 4, il dit ceci. Le royaume de Dieu ne peuvent être vus que chez celui en qui les fruits du Saint-Esprit peuvent croître. C'est celui-là qui s'efforcera d'observer ce qu'un vrai enfant de Dieu qui est né de nouveau doit manifester comme fruit de l'Esprit, et que cela va croître. Si tu es tempérant aujourd'hui et demain tu es intempérant, tu n'as pas été tempérant. Un homme qui est tempérant, ce n'est pas un jour, c'est tous les jours, parce que c'est quelque chose qui est en lui. Il n'a pas imité cela, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mise dans son cœur. Car le problème de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme de la personne. La personne qui est tempérante ne le restera pas une seule fois. Non, il le restera tous les jours, puisqu'il est né de l'Esprit de Dieu. Ainsi, il il est né de l'esprit en manifestant les caractéristiques d'un divin humain. J'étais quelque part dans le voyage missionnaire. Deux frères se sont provoqués sous ma barbe comme ça. Et chacun d'eux a manqué la tempérance. Ils se sont vraiment chamaillés au point qu'il allait même se battre. Et puis l'autre s'est ressaisi et qu'il disait: Parole Bayama, la parole, Neno la parole. On ne peut pas s'écrier comme cela. Si la parole vous dit de ne pas vous battre, manifestez tout simplement la tempérance. Et celui-là saura que celui-ci a vécu la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés de manifester le fruit du Saint-Esprit. Et dans cette même lettre circulaire, le frère Franck dit ceci: il y a les gens qui pensent qu'ils aiment Dieu, alors que les mêmes personnes haïssent les frères qu'ils voient avec les yeux. C'est vraiment impossible. Celui qui aime Dieu, il aimera aussi son frère comme lui-même. C'est la parole de Dieu. Car c'est pratiquement impossible d'aimer Dieu que vous ne voyez pas et en haïssant à la fois les frères. Ce n'est pas possible. Un vrai enfant de Dieu doit manifester le même fruit chaque jour, puisqu'il est né de l'Esprit de Dieu. Nous n'ignorons pas, mes frères et mes sœurs, que l'amour fraternel figure là au-dessus de la stature de l'homme parfait. Ainsi, nous devons manifester l'amour fraternel. Aimez-vous les uns et les autres. Une personne qui est née de nouveau aimera le prochain comme lui-même. Et Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 15, je pense, il a dit: aimez-vous les uns les autres. Ça c'est un nouveau commandement que je vous donne. Ainsi nous sommes appelés, mes frères, puisque nous sommes en lutte constante pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons faire l'effort toutefois que nous le pouvons, avec l'aide de la parole de Dieu, afin de rester dans la lumière. Autrement dit, les œuvres du Saint-Esprit, ce sont les œuvres de ceux-là qui vivent dans la lumière. Nous avons lu quelque chose dans Romains là-bas. On a parlé du reportage. Les vrais enfants de Dieu ne doivent pas être les rapporteurs. Les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui conservent les défauts des autres. Si vous en avez le courage, va les voir, priez pour lui, pour que Dieu les ramène sur la bonne voie. Dans cette Bible, il est écrit: le rapporteur divise les amis. Lequel parmi nous voudra qu'on les critique ailleurs, qu'on les médise? Et même si vous alliez chez votre frère, lorsque vous arrivez là-bas, vous rencontrez en train de vous critiquer, je pense que vous y resterez mal à l'aise. Si tu veux sentir si tu veux percevoir les mêmes sentiments vis-à-vis de la chose dont on a fait contre toi, vous aussi vous devez éviter cela. Les enfants de Dieu ne doivent pas être médisants, puisque vous ne pouvez pas être un pied dans le bon et un pied dans le mal. Un vrai enfant de Dieu doit éviter la médisance. Il ne doit pas être ingénieux au mal. Vous avez vu quelque chose, alors quand vous allez les rapporter, vous les fabriquez ingénieusement pour faire valoir ta scène que tu vas raconter. Vous ajoutez des adverbes pour que la chose soit entendue d'une autre manière. Vous êtes en train de saper la réputation de votre frère. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui est intravertu. qui garde ce qu'il a vu ou ce que vous avez entendu. Si nous demeurons comme cela, nous serons les vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui dispersent la contamination. Si votre frère est dans le mal, il n'est pas bien d'aller disperser le mal qu'il a fait partout. C'est une indiscipline spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui aura vu. Si tu n'as pas le courage d'aller dire à ton frère de se mettre sur la ligne de la parole de Dieu, entre dans la maison, prie pour lui et Dieu va l'aider à sortir de cette situation mauvaise dans laquelle il s'est trouvé. L'église de Dieu n'a pas besoin des années. Non, même vos serviteurs n'ont pas besoin de vos reportages. Quand vous avez vu un mal, le message qui nous a été enseigné est que celui qui a vu aille voir, non pas celui qui a vu qu'il aille propager cela. La bonne manière, c'est de vivre selon ce que nous avons entendu, car nous sommes les enfants de la lumière. Un enfant de la lumière aussi ne doit pas être un homme rusé. Non, un enfant de Dieu est prudent. Un enfant de Dieu est prudent. Vous voulez profiter quelque chose de votre frère, vous inventez une certaine ruse pour l'amener à vous aider. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu doit être juste et loyal, parce que la malignité, oui mes frères, les enfants de Dieu ne doivent pas être malins. Vous voulez faire quelque chose, faites-le droitement. C'est une bonne position. Peut-être vous voulez vous fiancer quelque part dans la famille du tel frère. Alors vous allez vous faire comme quelqu'un qui les aide chaque fois. Non, ce n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui suit la loi de Dieu. Si c'est pour les fiançailles que vous voulez, faites-le selon l'ordre de l'église. N'allez pas montrer que vous les aimez. Vous allez les visiter chaque fois. Il faut que ce soit une visite chrétienne. Là, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour la ruse, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants de Dieu doivent marcher droitement. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, Dieu est attaché à sa parole. Pour toutes les faiblesses que nous commettons dans la voie de Dieu, nous devons lui retourner par la voie de la repentance, afin que nous soyons justifiés par la parole de Dieu. Car Dieu est lié à sa parole. C'est Dieu qui fait grâce. Comme nous l'avons dit hier, la personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu va découvrir en son cœur les choses qui l'oppressent. Il doit découvrir en lui les choses qui puissent le faire rater le royaume de Dieu. Alors s'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il découvrira cela et il en demandera pardon. Dieu est lié à sa parole. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui libère. Et c'est Dieu qui justifie. Si nous lui disons ouvertement nos fautes, puisqu'il connaît de quelle matière nous avons été faites, il est notre Père, il connaît nos faiblesses, et nous devons aller à lui par la voie de la repentance, et le Saint-Esprit va faire l'œuvre de la conversion à nous. Si nous allions dans ce sens, Dieu nous aidera, nous allons changer de direction. Une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui commencera premièrement par la conversion. S'il était quelqu'un qui parlait beaucoup de choses qui ne sont pas chrétiennes, chrétienne, il va commencer maintenant à se ressaisir. Car même dans nos pensées, il y a des fois que nous péchons. Mais notre Dieu connaît ce que nous sommes et c'est pourquoi il nous appelle afin que nous venions en lui. Nous avons lu là que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et que chacun de nous, lorsqu'il se sera miré, il va lorsqu'il se sera miré, lorsqu'il va se regarder dans le miroir spirituel, il va découvrir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie spirituelle. Et il va en demander pardon. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui pardonne. Si vous lui dites tous vos défauts, il connaît de toutes de quelle matière nous avons été fabriqués. Et avant de m'arrêter, j'ai voulu quelque part pour vous dire que Dieu connaît ce que nous sommes et il est prêt pour nous pardonner. Je vais vous lire quelque chose à la page, au paragraphe 55. Vous devez être né de nouveau de 1961. Pour être né de nouveau, mes frères, nous devons reconnaître premièrement les choses qui ne vont pas bien en nous. Et nous en parlons au Seigneur et il nous aidera. Nous lisons au paragraphe 55. D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs et méritant la condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme du pécheur est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci, que dans Job 14 il est dit: étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. Il naît comme une fleur, il disparaît, et plus loin, tandis que le prophète continue à parler, il dit: comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si vous descendez un seau dans un puits et que vous en retirez le seau plein d'eau, et que cette eau est stagnante et sans mauvais, vous regardez dedans, il y a de la boue et des petits vers dans cette eau. Il est impossible d'y replonger votre seau pour en retirer un seau d'eau propre. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont complètement contaminés par le péché. Car physiquement, il est né dans le péché. Il a été formé dans l'iniquité. Et il est venu au monde en proférant des mensonges. Il s'ensuit que sa propre âme est contaminé. Il n'y a rien de bon. Une personne ne peut en racheter une autre parce que tous sont mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un seau d'eau contaminée et le mélanger à un autre seau d'eau contaminée. Vous n'obtiendrez qu'une plus grande contamination. Il n'y a pas de pureté là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Dans l'homme, il n'y a rien de pire. Mais qui peut nous rendre purs? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît nos faiblesses. En acceptant sa parole, il peut nous transformer. Sans prix, sans rien pécher, sans rien payer. Et j'ai voulu au paragraphe 57 pour montrer encore la grâce que Dieu nous a faite. Ainsi ce matin, quand serait-il sur le prix à payer pour quitter cette salle était de 100 milliards de dollars? Personne d'entre nous ne pourrait partir. Parce qu'aucun de nous n'est assez riche. Cependant, s'il y en avait alors un seul qui était assez riche pour payer pour nous tous, pour tous nos nombreux péchés, un seul a payé. Et qui est la personne qui a payé toutes nos dettes? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui seul que nous devons nous attendre. S'il y a un seul frère qui réalise qu'il n'est pas encore né de nouveau, Jésus-Christ est en train de transformer les hommes maintenant par l'acceptation de sa parole, car c'est sa parole qui nous transforme. Que Dieu vous bénisse. Tutashimama tukunaimba 182 nyimbo za ukovu, nyimbo za Mungu.